بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس إن شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmed al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأن كمانس بإذن الله جل وعلا في قراءة هذه الرسالة العظيمة النافعة للشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه صاحب التفسير المشهور إلى تفسير كي qui est connu et qui est reconnu, et il est mukhtasar, et il est mufid jiddan, surtout pour les débutants, son tafsir, il est tayyib jiddan, résumé simple, et Cheikh Sa'di min a'immat al-sunna, sahib aqida, salafiyya walillahi alhamd, et il a des écrits, des rasa'il mufid jiddan, des rasa'il résumés, mitla hadhi, آداب المعلمين والمتعلمين كذلك on avait étudié avec nos frères الوسائل المفيدة للحياة السعيدة et il a des autres رسائل فيها نفع عظيم للمسلمين elles sont très simples fondées sur le Coran والسنة فرحمة الله عليه et cette رسالة qu'on va lire ensemble comme on l'a expliqué dans المقدمة le premier cours فهي في آداب المعلمين والمتعلمين. فالمعلم أي celui qui enseigne, qui donne هذا العلم أي le professeur, le sheikh, الأستاذ il doit avoir un adab مع نفسه ومع غيره. Et plus ce معلم il aura du adab et il se basera sur le Coran ou le Sunnah tout ça bien sûr avec un bon comportement فالفائدة سرى أعظم les élèves ils profiteront plus فكم من أئمة السلف ils disaient أنهم ils profitaient du comportement de leur شيخ ربما plus que de son علم فهذا c'est مهم pour le طالب فالطالب يتأثر من جليسه يتأثر بمعلمه donc المعلم il a une responsabilité كذلك المتعلم كذلك l'élève celui qui apprend il doit avoir un comportement avec lui-même comportement avec les autres comportement avec son professeur comportement avec l'ilm etc ce qu'on va voir inshallah dans cette risale min adab al-mu'allimin wal-mut'allimin on est tous concernés النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. Le prophète صلى الله عليه وسلم démontre أنه il a été envoyé par Allah سبحانه وتعالى pour parfaire les bons comportements. الأدب مع الله bon comportement avec Allah سبحانه وتعالى. Et il adorait ne pas faire passer la parole d'un autre avant celle de Allah سبحانه وتعالى et de son messager. Comportement dans l'adoration. T'adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il t'a ordonné. Pas comme tu veux toi. Ou comme ils font les autres. Adab kadalik ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Comportement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On le suit. On ne fait pas passer la parole d'une créature devant la sienne. Sallallahu alayhi wa sallam. L'annahu, il est appuyé par al-wahi. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahiyun yuha. كذلك on l'aime plus que nous-mêmes et plus que nos enfants plus que nos parents عليه الصلاة والسلام كذلك le comportement avec المسلمين on les respecte on les aime في الله عز وجل on les conseille on montre s'ils ont des fautes tout ça c'est parmi les bons comportements et nous ce qu'on va étudier dans cette risala c'est un نوع فقط c'est le comportement du معلم et du متعلم à ce qui concerne طلب العلم. Et ça, c'est moufid et c'est muhim. Comme on l'a expliqué dans l'introduction, un talib al-ilm, fil haqiqa, il a choisi de suivre et d'emprunter ce chemin, un chemin abîme. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. » Celui qui emprunte ce chemin, et talab al-ilm, bien sûr avec an-niyya at-tayyiba, et pour Allah azza wa jal, il a emprunté un chemin pour al-jannah. Allah il le facilite. Tout ça, pour arriver à ton but, il faut respecter هذه الآداب. Et Cheikh Saadi en a cité plusieurs, et il a résumé, et il a cité le plus important. Et inshallah, si on fait des efforts et on applique ce qu'il a cité, c'est fondé sur des adillah bien sûr, le talib al-ilm, inshallah ta'ala, il sera à la khayr. Lui-même, il sera à la khayr et il donnera du khayr. Il en a cité à la khayr, inshallah, tu donneras ce khayr. Allez, la responsabilité, elle est azime. Comme les gens, ils sont fi jahl. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Des fondements de din, ils les ignorent. Anta Allah subhanahu wa ta'ala fataha Allah alayk en connaissant le haq et tu fais des efforts. Enfin, ces efforts, il faut que tu les canalises fil haq. Et tu perds pas ton temps. Anta, tu fais des efforts et tu t'as sacrifié et tu fais beaucoup de sacrifices. Autant que al-thamara elle soit azim. Fais des efforts pour que tu profites anta et tu fasses profiter aux autres. Qala al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala yata'ayyan ala ahli al-ilm. Na'am. La risala que j'ai là, c'est bi tahqiq ou khidmat al-Sheikh Abdussalam ibn Nasir ou ibn Burgess ibn Nasir rahmatullah alayhi. Et Cheikh Abdussalam rahimahullah, il a cité des titres probablement que vous n'avez pas vous, et il a cité awalan ikhlas an-niyya. Voilà, bas vous écrivez les titres, premier chapitre ikhlas an-niyya tout au début. Thumma naqra kalam Cheikh Saadi, ça sera plus simple. Et ça, c'est parmi les choses que Cheikh Abdussalam il a fait pour cette risala. Il l'a publié, il l'a édité rahimahullah, et il a mis les titres et كذلك kharraj al-ahadith fa rahmatullah alayh. Les titres qu'on lit, c'est de Cheikh Abdussalam ibn Burgess rahmatullah alayh. Et le kalam, c'est de Cheikh Saadi. Enfin, on répétera pas nous à chaque fois. On a les titres, c'est de Cheikh ibn Burgess. قال رحمه الله إخلاص النية. Première chose, إخلاص النية, la bonne intention. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. C'est un hadith عظيم. L'imam al-Nawawi رحمه الله il l'a cité في الأربعين, le premier hadith. لأن ce hadith c'est la base du din. لا يصح العمل إلا بالنية الصالحة. Le عمل il n'est pas accepté إلا si المسلم الشخص qui fait ce عمل il a une bonne نية. Et تعلمون أن طلب العلم c'est من أعظم وأنفع العبادات. Comme on l'a cité, plusieurs adillah fihada. Donc, ce talab, ce amal que tu vas faire, tu es obligé d'avoir une niya. Tu es obligé pour que ce une, inshallah, tu en profites et tu fasses profiter les autres. Qala Ibn Jama'a, rahimahullah, fi kitabihi al-nafi' tazkiratu al-sami' والمتكلم. C'est une risala طيبة في هذا الباب. C'est une risala qui traite le sujet de talab al-ilm, les comportements, etc. وشيخنا أبو عمر الحجوري وفقه الله حققها ألا مطبوعة. Cite dans ce kitab Ibn Jama'a حسن النية في طلب العلم. Et ça c'est مهم. أي comment tu fais pour avoir une bonne intention, ou c'est quoi la bonne intention في طلب العلم. قال حسن النية في طلب العلم أو في طالب العلم نعم بأن يقصد به وجه الله تعالى. Premièrement, l'intention est ton but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله سبحانه وتعالى قال فعلم أنه لا إله إلا الله. أمر من الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'apprendre. فعلم أنه لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc c'est un ordre de Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc anta, tu veux appliquer cet ordre et ta niya, ton intention, c'est la satisfaction d'Allah azza wa jalla. فلا نطلب العلم pour fulan, pour les gens. لا نطلب العلم pour être connu. On ne fait pas des efforts de l'ilm pour avoir raison ou pour avoir le dessus sur fulan. Non. On tlub l'ilm pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une ibadah. Comme tu fais salat, al-sadaqa, al-siyah, al-hajj, et toutes les ibadahs que tu fais, tu as besoin d'une intention pour que ce amal soit accepté. Fahakada talab l'ilm. Et talab al-ilm, on répète, c'est min anfa' al-ibadat. Il y en a toutes les adorations que tu fais, elles sont fondées sur l'ikhlas et elles sont fondées kadhalik sur l'ilm. Fa'an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites salat comme j'ai fait salat. Comme vous m'avez vu faire salat. Et on doit faire salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Fa'an-t'es obligé, quand tu fais salat, d'avoir une bonne intention pour qu'elle soit acceptée, et tu es obligé de faire comme le prophète sallam il a fait. خاصه الاركان والواجبات. اما السنن celui qui les fait ahsan et celui qui les fait pas, as-salat elle est acceptée. لكن على كل حال notre salat on doit la faire comme le prophète sallam il l'a fait. Comment tu fais pour que ta salat elle soit comme celle du prophète sallam? Illa bi dirasat sifat as-salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu es obligé d'apprendre comment il a fait as-salat alayhi salatu wassalam. Donc al-ilm c'est min anfa' al-ibadat. Ce talab, cet apprentissage, si tu veux de la baraka, du neuf, que ça soit profitable, que ça soit utile et que tu sois récompensé, cet apprentissage il doit être lillah azza wa jalla. Donc on fait des efforts awwalan fi ikhlas an-niyya. Qal ibn Jama'a يقصد به وجه الله تعالى والعمل به. Deuxième chose, العمل. Le Cheikh Saadi va citer ce point. لكن العلماء il le cite dans l'intention, il y en a ton but, ton apprentissage, c'est pour appliquer. أما celui qui a une mauvaise intention, ربما il connaît des choses et il ne fait aucun effort dans l'apprentissage. Pourquoi? لأن son intention, c'est que les gens ils disent c'est un talib ilm ou il connaît. Donc lui son but c'est ça. Si les gens ils disent, Obama il applique plus. Et ça c'est une afa azim khalal fi al-niyya. Ça ça fera du mal au talib ilm. Donc on fait des efforts fi hal. Notre but c'est la satisfaction d'Allah. Notre but c'est d'appliquer ce ilm. Et si on apprend comment faire salat et on fait des doros, on doit faire un salat comme ce qu'on a appris fi al-Qur'an et al-Sunnah. Qala wa ihya al-Sharia. Et ça c'est le muhim. Ay al-Da'wah. Ton but c'est la satisfaction d'Allah. Ton but c'est al-Amal. Ay tu appliques. Kadhalik ton but c'est de faire revivre al-Sharia. Mathalan dans beaucoup d'endroits l'an, التوحيد il n'est pas appliqué. Bel, il est contredit بالشرك الصريح الواضح. Ton but c'est d'apprendre التوحيد pour Allah Azza wa Jal, pour l'appliquer et pour faire revivre هذا الأصل العظيم. Pourquoi? Parce que t'es un musulman et t'as de la rire pour هذا الدين. Et ça te fait du mal que ce fondement, il est contredit. Donc tu fais des efforts. Tu fais des efforts pour montrer aux autres. Tu fais des efforts pour faire revivre les sunan. Faire revivre شعائر الله سبحانه وتعالى. قال وتنوير قلبه كذلك. طلب العلم كذلك c'est pour ton cœur. هذا العلم va te faire monter ton iman. Inshallah ta'ala. Si tu es sincère et si on fait des efforts et on est sincère, ça nous fera monter l'iman. En fait, c'est un remède azim. كم من الناس ils sont في ضيق. Ils ont des maladies. Obama, des maladies du cœur, des maladies mentales. Ils ont du stress, ils ont des wasawis, ils se sentent mal. هذا العلم, si tu fais des efforts, خاصة علم العقيدة, علم أسماء الله وصفاته, علم التوحيد. Ça fait un bien énorme au cœur. تنوير القلب, قلب. تنوير, ça vient de نور. Et ça illumine les cœurs. قال وتجلية باطنه. كذلك, ça fait du bien à ton intérieur. Ça ressemble au précédent. قال ويتقرب من الله وبالتقرب من الله يوم القيامة. Et ça, c'est une niya azima. Ton but, كذلك, c'est de te rapprocher, ou tu sois parmi les personnes qui sont proches d'Allah يوم القيامة. تعلمون أن العلماء ils ont une منزلة عظيمة يوم القيامة. كما جاء في بعض الأحاديث والمرء مع من أحب يوم القيامة فأنت ستم العلم التام أهل العلم les savants et tu fais des efforts et ton intention c'est هذا إن شاء الله يوم القيامة tu seras avec هؤلاء الأخيار. Ça c'est notre intention c'est pas d'être connu في الدنيا, d'avoir une place في الدنيا, que les gens citent ton nom, que ton علم Fulan, il en profite. Ça, c'est tayyib. Et ça fait partie de la bonne intention de propager ad-din, de faire da'wah, comme on a dit. Mais que ton but, ça soit de te faire connaître. Faqat. Et délaisser la satisfaction d'Allah. Et délaisser ces choses qu'il a citées, Ibn Jama'a, rahmatullah alayhi. Hada, c'est min al-afat pour talib ilm. Ça lui fera du mal. Ça lui fera du mal, jiddan. قال والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. إيه نعم. الله سبحانه وتعالى il a réservé pour العلماء et pour طلبة العلم et pour الصالحين des rangs élevés في الجنة. نعم. فأنت إن شاء الله ton intention c'est de profiter de cette récompense, de faire partie de أهل العلم. Enfin, c'est ça la bonne intention. C'est ça la bonne intention. On fait attention aux choses qui contredisent هذا. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi كذلك il a un kalam أن النية c'est رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أي النية pour طالب العلم c'est qu'il enlève l'ignorance, أي il sort de son ignorance et كذلك il appelle les autres. أي il enlève l'ignorance des autres كذلك. Ça c'est une نية طيبة الدعوة. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas talab al-ilm pour profiter fi dunya, avoir une place, avoir de l'argent. Na'oudou billah. Fahadihi c'est une ibadah, et l'ibadah elle est lillah. Wa'abudu Allah, wa la tushriku bihi shay'a. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal Allah azza wa jal fi al-hadith al-Qudsi, ana aghna shuraka ani shirk, man ashraka ma'i ghayri, taraktuhu wa shirkah. تركته والشركة فالسلوي كي أسوسي الله سبحانه وتعالى في النية الله اللي دلس لوي اسو الشرك il est plus récompensé pour ce طلب et il profite pas بل il se fera du mal. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 315 315 volume 2 قال صاحب المنازل الإخلاص تصفية العمل من كل شوب. C'est ça l'ikhlas. تصفية. C'est que tu purifies tes a'mal de certaines choses qui font du mal. قال الإمام القيم أي شارحا لهذه العبارة لصاحب المنازل قال أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس إما طلب تزيين في قلوب الخلق. Ça c'est des choses qui contredisent les bonnes intentions qu'on a cité min kalam Ibn Jama'a. Enfin, on fait attention tazyin ay talab at tazyin fi qulub al khalq, ay il veut être bien vu par les gens. Ya akhi rubbama, si c'est un mufsid, c'est un mujrim, si tu es sur le haq tu seras mal vu, kama huwa hal al kuffar al an wa man tashabbaha bihim. Rubbama talib al ilm, pour eux c'est un intégriste, c'est un terroriste, il veut du mal. Si tu veux être bien vu inda haula, tu feras des concessions sur ton dîn. Et rubbama tu délaisses. Et c'est ce qui arrive de certains prêcheurs. Min du'at abwab jahannam. Annahum, ils veulent satisfaire les kuffars, ils font des efforts, et rubbama, ils parlent plus du tawhid. Ils parlent plus du kufr. Ils parlent plus de l'hijra. Ils parlent plus de beaucoup de choses que pour satisfaire fulan et allah. Alors que al-haq mur, labud an tasbir. والقابض على دينه كالقابض على الجمر. T'es obligé de t'accrocher comme tu t'accroches à une braise. Là, tu veux faire plaisir aux gens et tu veux être bien vu. فهذا سبب الهلاك لأن أكثر الناس لا يعلمون. Et أكثر الناس ils sont à la char et combattent al-haq. Si tu veux être bien vu par tout le monde, tu te feras du mal. Là, la bonne niya, c'est que Allah il soit satisfait de toi. Et si les autres ne sont pas satisfaits, ce n'est pas important. لأن الله سبحانه وتعالى c'est le malik, c'est le qahhar, c'est lui qui gère tout, il t'élèvera. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال عز وجل. Allah il t'élèvera, même si les autres ne t'aiment pas, même si les autres ne veulent pas. أما tu cherches la satisfaction et être bien vu par les gens, même si tu es bien vu et Allah il n'est pas satisfait de toi, il te rabaissera. قال ابن القيم رحمه الله وإما طلب مدحهم كذلك. Il veut que les gens يمدحون. المدح c'est le compliment, etc. وهذا, ça revient à ce qu'on a dit avant. Si tu es à la khair et tu as une bonne niya et tu fais ça lillah, فالصالحون ils seront d'accord avec toi et ils t'aideront. وتعاونوا على البر والتقوى. أما tu veux مدح de tout le monde et ton but c'est le مدح, tu te feras du mal. Là, tu feras des concessions que pour les gens, ils parlent de toi en bien. Enfin, ton but, c'est pas ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, et il t'élève, et t'es sincère, il yaj'al laka al-qaboul fil ard. Wa ta'ammal ulama al-islam. Al-mu'asirin wa al-mutaqaddimin. Il al-an, les gens, ils les citent en bien. Les gens, ay ahl al-khayr. Amma al-kafir al-mujrim, al-mufsid. ربما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بل بعضهم يطعن في الله عز وجل. فهؤلاء نحن c'est pas le problème هؤلاء. أما أهل الصلاح والخير فإزام أهل العلم والخير. فكم من الناس الآن ils parlent bien de الصحابة. كم من الناس ils citent علماء الإسلام. الإمام البخاري il est cité tous les jours, toutes les heures ربما بل tout le temps dans chaque mosquée رحمة الله عليه. رواه الإمام البخاري رواه الإمام البخاري. نعم لأنهم ils ont fait des concessions, فالله سبحانه وتعالى il les a élevés. علماء العصر الإمام الألباني الإمام ابن باز الإمام ابن عثيمين الإمام مقبل رحمة الله عليهم وغيرهم من العلماء ils sont cités بخير. لماذا؟ لأن leur قصد c'était الله سبحانه وتعالى. هكذا والله حسيبهم. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a élevés. Enfin, notre but, c'est pas hada. Que Foulain, qui va être satisfait ou pas. Ça, c'est pas le but. Le but, c'est la satisfaction d'Allah. Et si c'est un homme pieux, il veut le khayr, enfin, ce qui satisfait Allah, il sera satisfait. S'il n'est pas satisfait, aham shay, c'est rid Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal harab min dhammihim. Kadalik. Ça, c'est une mauvaise chose. Ça fera du mal à ton intention. Et si ça dérange les gens, tu fais marche arrière. Rubbama at-tawhid les dérange. Est-ce qu'on va délaisser le tawhid? Rubbama as-sunnah ça les dérange. Est-ce qu'on va délaisser le sunnah? Kalimat al-haq elle dérange. Il n'y a aucun doute. Est-ce qu'on va délaisser kalimat al-haq? si ça les dérange et c'est une chose qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala et ça fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a fait, on l'a dit. Et ton intention, elle va t'aider à hada. Mais ton but, c'est satisfaire les gens et t'écarter de ce qu'ils n'aiment pas, tu vas te faire beaucoup de mal. Qala aw talab ta'zimihim aw talab amwalihim. Ça aussi, ça fait du mal. Il fait les choses pour le mal. S'il lui donne, il est content, ça le motive. S'il ne lui donne pas, il fait marche arrière. Hada, ça lui fera du mal vite. Et ça, on le voit. Kam minad du'at. Des mashaykh, ils étaient connus, ils avaient une manzila, ils avaient des tullab, ils avaient rubama des marakiz, etc. Al-amwal, khasatan amwal al-jam'iyyat, inharaf. Pourquoi? Parce que هذا المال, si on te donne du mal, khasatan c'est un da'i ilallah talab'im, fais attention qu'on ne te mette pas des conditions. Et si tu fais ça, je te donne. Si tu ne fais pas ça, je ne te donne plus. Al-an, ça te fera du mal. Mitla ba'd al-masajid al-an. C'est un imam, il y a une jam'iyyat. Et il rentre dans ce système des associations. Et c'est une hizbiyya. C'est du sectarisme. L'imam d'Aliana, si tu es avec lui, ils sont avec toi. Si tu n'es pas avec eux, ils sont contre toi. Si tu fais telle chose, ils te donnent l'argent. Si tu ne fais pas, ils ne te donnent pas. Hatta ils ont ouvert un bab al-bida' wal-khurafat wal-dhalal. Et ils financent ceux qui font ces choses. Et ceux qui ne font pas ces choses, ils les combattent layl nahar. Fais attention. Ta niya, ce n'est pas l'argent. Tatlub l'ilm lillah azza wa jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le razzaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. L'imam al-Albani, rahmatullah alayh, il n'avait pas un marquez, un masjid, etc., des tullab, beaucoup, là. Rahmatullah alayh, la plupart des assises, c'était chez lui. Il était toujours fil maktaba. Et il a écrit des livres, et c'est devenu un imam fil sunnah. Il n'y en a personne lui mettait la pression. Si tu veux être masjid, si tu veux être imam au masjid, on te donne telle somme. T'écris tel livre, on te met les conditions et on t'arrange, on t'aide avec telle somme. Abadan, ils ont fermé les portes. Farahmatullah Ali, il était libre de suivre le Coran et le Sunna et il l'a suivi. Hakada Sheikh Mokbil, hakada Sheikh Mulbaz, hakada ulama una. On fait attention, les hal. On fait attention. Wallahi, si quelqu'un il te donne de l'argent, khasatan pour talib al-ilm, khasatan pour da'wah, fais attention que c'est le but, c'est pas de guider ta da'wah. Fais attention, khasatan ahlul dalal. Ahlul dalal, si te donne, c'est pour quelque chose. Et moussa'adat al-kuffar, c'est min hada al-bab. Les aides, l'an. Les aides, ce qu'il appelle les aides sociales, inda al-kuffar, c'est min hada al-bab. Il te donne, c'est que pour te prendre beaucoup plus. Amma al-kuffar, c'est min abkhal al-nas. C'est des bukhala, ils ont du bukhl. Enfin, si ils te donnent, c'est pour quelque chose. Fantabih li hala. Qala, au khidmatihim wa mahabbatihim wa qadaihim hawaidih, au ghayri dhalik min al-ilal wa shawaib, alati aqdu mutafarriqatiha huwa iradatu ma siwa Allah bi'amalih kainan man kan. Tout ce qu'il a cité, c'est des exemples. Et à la fin, il a résumé tous ces exemples. Il rentre, taht, qawlihi, إرادة ما سوى الله بعمله أي طلب العلم نحن سنتخ سجي طلب العلم pour autre qu'Allah, que ça soit pour l'argent, que ça soit pour que les gens soient satisfaits, que ça soit pour qu'on dise de toi, que ça soit tout ça, ça fait du mal à la niya. فالإخلاص c'est de adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces adorations طلب العلم لله عز وجل. On fait ça pour Allah et on patiente. قال الشيخ سعدي رحمه الله انتهى كلام ابن القيم قال رحمه الله يتعين على أهل العلم من المتعلمين والمعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل. نعم. Donc la sincérité في الطلب et la sincérité dans toutes tes actions, أي les actions par lesquels tu te rapproches d'Allah, la condition, c'est l'ikhlas. Tu es obligé. وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans ce verset, min surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité les deux conditions pour que l'amal soit accepté. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère la rencontre d'Allah, et qu'il soit à la khair, qu'il est récompensé, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Première condition. Que le amal soit salih. Tu ne fais pas l'amal que tu veux toi. Là, tu fais l'amal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré. Aïe, ittiba'a sunna. Fal-yamal amalan salihan. La deuxième condition. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Qu'il n'associe personne à Allah fil ibada. Et parmi l'ibadat, talab al-ilm. Qala, Cheikh Sa'di, qala, wa taqarrub ila Allah. Ta'ala bihadihi l'ibada allati hiya ajallu l'ibadat. Parmi les adorations les plus bénéfiques, طلب العلم قال وأكملها وأنفعها وأعمها نفعا صحيح لأن هذا العلم toutes les œuvres sont fondées sur العلم. Comment tu vas adorer Allah عز وجل si tu sais pas? مثلا tu veux faire le hajj, tu sais pas faire le hajj. Tu veux sortir le zakat, tu sais pas comment sortir le zakat. Tu veux faire salat, tu sais pas comment. فلا بد من العلم. Chaque عبادة elle a besoin du علم. Et العلم lui-même طلبه c'est une عبادة. قال وأنفعها وأعمها نفعا ويتفقد هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل. هكذا يزدأ أئمة السنة هكذا أتباع السلف أنهم toujours ils font des efforts que ça soit un amal عظيم ou que ça soit quelque chose de moindre si c'est une عبادة دائما ils font des efforts à l'ikhlas. قال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه تعلم الستر قبل أن تتعلم العلم نصيحة من هذا الإمام رحمة الله عليه تعلم الصدق apprends الصدق la sincérité la véracité t'es sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala قبل أن تتعلم العلم avant d'apprendre العلم لأن ce علم il sera profitable il sera accepté que si t'es sincère. وقال وكيع رحمه الله هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا الصادق. هذه الصنعة أي ce domaine أي العلم ceux qui sont élevés c'est que ceux qui sont sincères et véridiques. C'est vrai, كم من الناس يطلبون العلم ceux qu'Allah il élève et leur علم il est profitable pour eux et pour les autres ils sont قليل. فهؤلاء ceux qui sont peu et qui ont été élevés. La raison, la cause, l'ikhlas. C'est quoi qui a élevé la da'wah de Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi? C'est l'ikhlas. C'est l'ikhlas. Sa vie, ça montre. Il y a des signes, il y a des choses qui montrent que c'est fondé sur l'ikhlas. Al-bu'd min al-dunya, al-bu'd min al-hizbiyya, min al-jum'iyya, les efforts, kalimatul haq, la passion. Tout ça, ça montre que une personne qui fait ça, il veut wajh Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Qala Cheikh Sa'di, فإن درسوا أو بحثوا أو ناظروا أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حافظوا أو كرروا دروسهم الخاصة. الآن الست طالب العلم سي il a des دروس أو il fait des recherches أو il parle avec son frère il a نقاش المسألة علمية بأدب avec son frère أو il écoute une cassette il écoute un chir نعم ou il écrit, ou il mémorise. Tout ça, toujours il doit faire l'illah. Il ne mémorise pas pour qu'on dise, Masha'Allah, il connaît plein de hadiths. C'est ni à faire, c'est ça te fera du mal. Qu'est-ce que tu vas gagner si Foulan il dit, t'as beaucoup appris par cœur. Qu'est-ce que tu vas gagner? Il l'a dit, et après. Si ton cœur, le but, ça devient que Foulan il dit, tu te fais du mal. Tu vas apprendre, Rabbama. Lakin, ça te fera du mal. Les naïom au Qiyama, tu trouveras que al-khalis min a'malik. Tu trouveras que ce qui a été fait sincèrement pour Allah. Qala, ou karraru durusahum al-khassa, ou raja'u alayha. Hatta ta révision. Ta révision, quand tu l'as fait, ta niya, c'est pour te rapprocher d'Allah. C'est pour comprendre ce ilm et c'est pour adorer Allah. T'es récompensé. Chaque révision, chaque page que tu tournes, t'es récompensé, inshallah. Qala, أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم نعم les assises les دروس قال أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم. Ça c'est مهم. كذلك le trajet que vous faites de chez vous jusqu'à ici pour le درس ta niya c'est pour العلم ta niya c'est pour Allah ta niya c'est pour faire des efforts pour pouvoir adorer Allah عز وجل plus et correctement. Et ton but aussi, c'est d'apprendre pour, inshallah, tu sois un miftah khair plus tard. Tout ça, les pas que tu fais, l'argent que tu utilises pour venir, tout ça, si tu as une niya, lillah azza wa jal, tout ça, tu le retrouveras yawm al-qiyam. Qala aw ishtaraw kitaban, hatta ce livre que tu achètes. Maintenant, on a commencé ces durous, tu as acheté le livre. Ce livre que tu achètes, ta niya, c'est lillah azza wa jall. Tu as gaspillé cet argent, c'est pour Allah azza wa jall. Pour acheter ce livre, pour comprendre et pour adorer Allah. Tu es récompensé. Aw ma yu'in 'ala al-'ilm. Tout ce qui est une cause qui t'aide pour talab al-'ilm. Tout ça t'est récompensé. Qala kana al-ikhlas lillah wa ihtisab ajrihi wa thawabihi mulaziman lahum. Intabihu li hadhihi al-mas'ala al-ihtisab. Attention à l'ghafla. Li'anna avec l'ghafla t'es insouciant, tu vas faire beaucoup d'amal et robama ta niya ça sera pas lillah. Ça devient une coutume. Faites attention à hada da'iman al-ihtisab. On fait un amal, on se rappelle, on n'est pas fi ghafla. Pourquoi je fais ça? Quand ça devient automatique, quand ça devient automatique, ça devient lourd. Rubbama al-insan, il ne fait plus d'efforts. Ou il lâche. Amma da'iman, il se rappelle al-ajr. Il se rappelle qu'il est fait ni'ma. Et ça le motive. Amma ça devient lourd, comme ceux qui vont au travail tous les matins. C'est lourd, il n'a pas de niya. Yata'ab rubbama. S'il peut arrêter, il arrête. Nahnu la. Nahnu on fait. Et ça nous fait monter l'iman et on fait plus d'efforts. قال كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم. قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفي. Celui qui fait des efforts, son but c'est وجه الله عز وجل. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah il soit satisfait de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera ma yakfi. Il lui donnera ce qui lui suffira. Ah, il lui donnera ce ilm. An-niyya, an-niyya. Qala al-Sheikh Sa'di, liyasira ashghaluhum kulluhu quwwa wa ta'a. Pourquoi il y a des personnes, ils sont fait l'ilm et ils font des efforts et ils ont de la force. Et tu les vois, ils sont motivés. Li'anna an-niyya al-tayyiba. Donc, il sait pourquoi il fait ça. Il sait que c'est pas perdant. Prends l'exemple de Ad-Dunya. Wa'ad-Nas, il a un travail, il a un salaire, petit salaire. Ça ne le motive pas. Rupama, il va le matin, il va de force. S'il peut quitter, il quitte ce travail. Tu trouves un autre, Rupama, le même travail, il a un salaire deux fois plus ou trois fois plus, il est motivé. Il est motivé. C'est quoi qui le motive? C'est le salaire. Plus son salaire il est élevé, plus il est motivé. C'est pour ça que les patrons d'entreprise, ils font des augmentations de salaire pour motiver. Mabalouk, celui l'un qui t'lob l'ilm, et il a toujours dans son cœur l'ajr al-azim. Ça le motive. Ça le motive. Et l'argent, ça ne le fera pas bouger. L'ana, il sait pourquoi il a t'lob l'ilm. Celui qui t'lob l'ilm pour l'argent, il a ouvert un bab halak. L'ana, s'il y a beaucoup d'argent, il fera des efforts, il fera des conférences, il se déplacera, il lui donne plus d'argent. Rubama, il fait des concessions pour avoir de l'argent. Et ça, c'est un bab halak ala talib. Qala liyasira ashghaluhum kulluhu quwwa wa ta'a wa sayran ila Allah wa ila karamatihi wa liyatahaqqaqu biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allah lahu tariqan ila al-jannah. Na'am, al-hadith il est sahih an Abi Hurayra fi sahih Muslim kama fi al-Hashiya. Donc toujours, tu te rappelles de ce hadith. Celui qui emprunte un chemin pour talab al-ilm, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite un chemin pour le jannah. Tout ce que tu fais, tu dois bien ne pas être insouciant, bien te rappeler toujours que tu prépares l'akhir. Ba'd al-nas, yatlubuna ilm min ulum al-dunya, et son but, c'est qu'il prépare un diplôme. Pour moi, ce diplôme, c'est pour avoir une place, pour avoir un travail, pour avoir un salaire. Il sait pourquoi il fait ses études. C'est pour ça qu'il révise. Il vient à l'heure. Ça veut devenir un médecin maintenant. Il sait qu'il doit avoir le bac. Après le bac, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Il fait des efforts. Jusqu'à qu'il arrive au bout, il a son diplôme, il travaille. Il a le salaire qui correspond. Anta tatlub al-ilm, tu prépares l'akhir. Tout ce que tu fais, t'espères, indallah azza wa jal, avoir la récompense. Et al-jannah, elle a un fadl azim. C'est jannat al-khuld. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذه الجنة، il y a des choses t'as pas vu, t'as pas entendu, tu peux même pas t'imaginer avec ton cœur. C'est ça que tu prépares, d'avoir cette chose. قال رحمة الله عليه فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله كأنه أو نعم على تحصيله فإنه داخل في هذا. Toute chose, que ce soit حسي أو معنوي. حسي, par exemple, de l'argent, tu gaspilles de l'argent pour العلم. T'achètes des livres, tu te déplaces. Tout ça, ça rentre في هذا. Ça rentre في من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كذلك les efforts, tout ce que tu fais, inshallah, ça rentre في هذا. Donc fais attention à ta niya. Hatta les efforts que tu fais, c'est pas des efforts qui seront pas utiles. Et bien sûr, il y a des causes. من أعظم الأسباب, parmi les plus grandes causes, الدعاء. Fais الدعاء. Fais un dua pour طالب العلم. الدعاء c'est مهم. Et tu choisis les heures recommandées, كآخر الليل, la dernière heure, الجمعه, après l'asr, avant le maghrib, entre l'adhan et l'iqama, في السجود. Tout ça c'est des moments Allah subhanahu wa ta'ala y répond. كذلك, si tu as subi une injustice, tu es malade, tu es في التعب, في الشدة, Allah subhanahu wa ta'ala y répond. كذلك, في السفر, نعم, Allah y répond à celui qui fait le dua. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن يا دي مومو الاستجابه لا اكثر. فان في دي في هذا كذلك parmi les efforts العمل. C'est que ton but c'est d'appliquer parmi les causes d'avoir une bonne niya. Et ça on l'a cité. نعم parmi les causes كذلك on en a cité beaucoup. نحن ton but c'est de défendre sharia, c'est de propager le din, c'est d'appliquer, c'est la satisfaction d'Allah, c'est la récompense, le jannah. الدعاء, on a rajouté l'an. كذلك, on rajoute et on conclut الدرس بهذا قراءة سيرة السلف الصالح. Lire la biographie des salaf. حتى tu vas voir le niveau qu'ils ont atteint, les concessions, les efforts qu'ils ont fait, les sacrifices et comment ils se comportaient. Tu vas voir تمرت الإخلاص. Et c'est pour ça qu'Allah les a élevés. Et كذلك, tu vas te remettre en question. Si tu as appris les 42 Nawawi, اعلم أن الإمام أحمد رحمة الله عليه روي أنه إلى أبخي أمليون حديد رحمه الله. Ces choses t'arrives à rester à ta place. T'as appris 49 oui, t'as appris عمدة الأحكام. Allah t'a facilité, t'as appris الصحيح. اعلم أن هؤلاء c'était des في الحفظ c'était l'imam Ahmed آية من آيات الله. Ça te permet de rester مخلص. أي le kibre il rentre pas. Là, tu sais que t'as pas fait grand chose par rapport à eux. Si t'as fait 2 rak'at fil layl ou 4 rak'at, certains parmi les salaf ils finissent le Coran fil layla. Le Coran fil layla, le Coran entier dans une nuit. Ça te remet en place. Qira'at as-salaf c'est muhim. Tu les aimes fil Allah azza wa jal pour les efforts qu'ils ont fait et tu connais qadra nafsik. N'am, c'est pas le premier qui vient, il te gonfle, il te dit et khalas. Al-insan est ka'annahu c'est imam al-asr. Et ça fait du mal pour le talib. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج افاق.com